pour des remorques fiables, robustes et de qualité. Remorque 2000 est la place qu'il faut visiter. Nous fabriquons des remorques de tous les styles, que ce soit l'utilitaire, le cargo ou le gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez, même s'il faut la fabriquer. Nous sommes distributeurs exclusifs de la marque Maxiroule. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 Dequin d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5343. Remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à y participer en grand nombre. Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbeau-Mistassini et des alentours un bon Festival du Bleuet et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 88-276-2385. On va savoir peut-être le même parler avec notre ami Alexandre Lallemand. Salut Alexandre. Salut, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Alexandre, une médaille aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. L'Almatoise, Raphaël Labbé, en cyclisme, a remporté une médaille de bronze là, sur le circuit routier. Et puis, on a une autre athlète en natation, Alison Gobeil, aux 50 mètres d'eau. Paranatation qui va débuter sa finale à 17h ce soir. OK. Y a-t-il d'autres choses? Est-ce que vraiment, y a-t-il des déceptions? Est-ce qu'il y a des places qu'on s'attendait des médailles et on ne les a pas eues finalement? C'est sûr que la portion route de nos athlètes là, en cyclisme, on s'attendait à une bonne performance. Faut comprendre que la compétition est relevée et on est aussi des fois là, à l'abri là, des bris mécaniques, donc je pense qu'il y a un petit peu des deux aujourd'hui. Par contre, je dois dire que nos équipes de volleyball de plage fonctionnent très bien présentement. Là. Les deux ont gagné les deux premiers matchs et ils vont être aussi en action. Là. Les filles sont en action présentement là, contre Lanaudière et les garçons vont jouer à 17h15 contre Richelieu et Yamaska. Et je dois dire honnêtement là, qu'ils ont montré beaucoup de résilience et de combativité là, sur le terrain. OK. Du côté du soccer, du côté des sports d'équipe, basketball, hockey, basketball, soccer? Oui, nos garçons jouent aujourd'hui. Ils ont gagné 2-1 en tir de barrage. Donc, l'équipe de soccer va jouer là, demain. Et puis, en basketball, les filles ont perdu ce matin 52-25. Ça va être un match difficile, mais elles vont rejouer ce soir à 18h contre Laval. Okay. Et les garçons ont eu une défaite. Par contre... ça a terminé 58-55 et l'équipe a fait une grosse remontée au quatrième quart là, pour rétablir le pointage là, au niveau là, du basketball. OK, OK. C'est pas mal, ça fait pas mal de tout ce qui se passe à Thetford? Oui, tout à fait. Là, la voie là, est annulée là, en raison là, de risques d'orage. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, on se reparle demain pour faire le suivi. Voilà, donc c'était Alexandre Lallemand en direct de Thetford.